Wir danken den Herrn für einen neuen Danksagungstag. On remercie l'Éternel pour le jour de l'action de grâce aujourd'hui. And we thank him that we still belong to him. Und wir danken ihm, dass wir noch zu ihm gehören. On lui remercie parce qu'on lui a, on l'appartient. Amen. And that is what is more important. It's not that we are alive, that we still belong to him. And we are still there for one another. Am wichtigsten ist nicht, dass wir noch am Leben sind, sondern dass wir noch zu ihm gehören und füreinander da sind. Das ist am wichtigsten. La chose la plus importante, c'est pas qu'on est encore on est en train de vivre ou bien on a une bonne santé. Non, la chose la plus importante est qu'on appartient à l'Éternel. Praise the Lord. Hallelujah. The message will still be, what can we not live for Christ? Es gibt weiterhin das Thema, was können wir Christus nicht loslassen? Notre message, ça va continuer avec, c'est le même, qu'est-ce qu'on peut pas laisser pour l'Éternel Jésus-Christ? He left everything for us. Er ließ für uns alles zurück. Parce que lui, il a tout laissé pour nous. Amen. Amen. He left heaven and came here. Er verließ den Himmel und kam hierhin. Il a laissé le royaume des cieux pour venir ici pour nous. He left wealth and became poor. Er hat Reichtum verlassen und wurde arm. Il a laissé toute sa richesse, il est devenu pauvre pour nous. To have you and me. Damit er uns haben kann. Pour qu'il puisse nous avoir. Praise the Lord. Halleluja. There's no poverty in heaven. Es gibt keine Armut im Himmel. Parce que au royaume des cieux, il n'y a pas de pauvreté. But he left there and came here. Aber er hat es dennoch verlassen und kam hierhin. Mais il a continué, il a abandonné le royaume des cieux pour venir ici pour toi et moi. To save you and me. Damit er dich und mich retten kann. Pour qu'il puisse être, pour qu'il puisse te sauver, toi et moi aujourd'hui. Today he is not telling us to do what he did not do for us. Heute sagt er uns nicht, dass wir das tun sollen, was er nicht schon für uns getan hat. Aujourd'hui il nous dit pas de faire quelque chose que lui n'a pas pu faire. He told Abraham, give me your son, because he knows that he was also going to give us him his own son. Er hat never tell you to do what he is not going Amen. To do or what he has not done. Er hat zu Abraham gesagt, gib mir deinen Sohn, genauso wie er selbst auch seinen Sohn gegeben hat. Er würde uns niemals dazu auffordern, etwas zu tun, was er selbst nicht schon getan hat. Quand il disait à Abraham de donner son fils, il lui a dit ça parce qu'il savait que lui-même aussi, il est capable de donner son fils. Il savait qu'il allait donner son fils. Et c'est pour cela, ça va t'aider à comprendre que lui, il ne te dit pas, il ne t'ordonne pas de faire quelque chose qu'il n'a pas pu faire lui-même. Praise the Lord. Hallelujah. The Bible helps us to know how to live up. Die Bibel zeigt uns, wie wir alles verlassen. Et la Bible nous aide à comprendre comment abandonner tout pour l'Éternel. In Hebrews 11, verse 15. Let's go there. In Hébreux 11, verse 15. On va le lire à Hébreux 11, verset 15. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Hébreux 11, verset 15. Hébreux 11, verset 15. Here talks about our mind. Hier geht's um unsere Gedanken. Ici, il parle de nos pensées. Amen. Amen. Amen. The war is over. Though the war is over, but the battle is still in our mind. Obwohl der Krieg vorbei ist, herrscht immer noch ein Kampf in unseren Gedanken. Malgré la bataille a déjà fini, mais on a toujours un combat qui se passe dans nos pensées. Praise the Lord. Hallelujah. I'm coming. Oui. Verse 15 of Hebrews 11. Verse 15. Verse 15. Remember, Abraham left off in Genesis 12. Erinnert euch daran, dass Abraham in 1. Mose alles verlassen hat. À Genèse, on a vu que on venait de voir que Abraham a tout laissé à cause de Jésus-Christ. Er hat seine Familie hinter sich gelassen. Il a laissé sa famille. He left the country. Er hat sein Land hinter sich gelassen. Il a laissé son pays. Amen. Amen. He left everything there. Er hat alles zurückgelassen. Il a tout laissé und dem Herrn gehorcht. Il a obéi l'Éternel. Amen. Amen. He said, and truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned. Vers 15. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. S'il avait eu en vue celle d'où il était sorti, il aurait eu le temps d'y retourner. Praise the Lord. Hallelujah. Our mind is never empty. Unsere Gedanken sind immer leer. Wir müssen immer voll von etwas sein. Nos pensées sont jamais vides. Nos pensées sont toujours remplies de quelque chose d'autre. Amen. Amen. You know, the last mind himself is not even empty. Selbst die Gedanken des Herrn sind niemals leer. Même les pensées de l'Éternel ne sont pas, non, ne sont pas Amen. Vides. Amen. If you go to Hebrews 2, verse 6, it said, the mind, the lost mind is full of you and me. Wenn wir zu Hebräer gehen, sehen wir, dass die Gedanken des Herrn voll sind von dir und mir. Et si on voit, on regarde le livre de Hébreux, on va voir que les pensées de l'Éternel sont vraiment pleines de toi et moi. Jennifer, you help us to read Hebrews 2, verse 6. Mm-hmm. Hébreux 2, verset 6. Sondern an einer Stelle bezeugt jemand ausdrücklich und spricht, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, oder der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest. A one in a certain place testifies, saying, what is man that thou art mindful of him? Mm-hmm. Donc, voici, Who is a man? Who are these people that they occupy your heart so much? Wer sind diese Leute, die dein Herz von ihnen umgeben ist? Qui sont les gens qui sont en train de d'occuper ton cœur? Or the son of man that thou visited him. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Abraham's mind was not full of the past. Abrahams Gedanken waren nicht voll von der Vergangenheit. Les pensées de Abraham n'étaient pas pleines du passé. His mind was not of the past. Seine Gedanken waren nicht voll von der Vergangenheit. Ses pensées n'étaient pas pleines du passé. Amen. Amen. The past. Just think about what the past, the meaning of this, the past. Denk aber über die Bedeutung der Vergangenheit nach. Si t'es pas rempli du passé, rappelle-toi, essaye de penser à la signification du passé. Amen. Dans ta vie. One of which this, what this world, our religious world, we call good. Das, was unsere religiöse Welt gut nennen würde, das vergangene Gute. C'est que la religion va tituler comme, nommer comme le passé qui était bon. The past love. Die vergangene Liebe. L'amour passé, par exemple, ton amour passé. Amen. The past unity. Die vergangene Einheit. Oui, l'unité que tu avais avant, l'unité the past passée. Past peace. Der vergangene Frieden. La paix que tu avais avant, oui. L'unité. Praise the Lord. Amen. There are very many. Oh, they are all past. Amen. The system of this world, everything here on earth. The past. Just name them. They are very many. Vergangenheit. Vieles davon auf dieser Welt. Donc le passé, c'est vraiment. Il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ce monde et surtout dans ta vie et tu peux les nommer un après l'autre. The Bible also called the old man the past. Die Bibel nennt auch den alten Menschen die Vergangenheit. If it is not there for you again, the old man. Der alte Mensch. La Bible appelle aussi. L'ancien homme aussi le passé, le titulaire aussi comme le passé, ton ancien toi. Before we go to Ephesians, let's go to Matthew 5. Matthieu 5. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 5. Praise the Lord. Hallelujah. We read from verse 1 to 4. To 12. Matthew 5, 1 to 12. He went up into the mountain. And when he was sat, his disciple came unto him. Verse 2. And he opened his mouth and taught them, saying, blessed are the poor in the spirit. In spirit. For theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek. Thank. Praise the Lord. Hallelujah. The meek. What heaven called the meek. Die Sanftmütigen, die der Himmel sanftmütig nennt. Heureux sont les doux, ce que l'Éternel appelle les doux. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 4 said the mourn, those that mourn. Those who know those the heaven call those that mourn. Die trauern, die der Himmel die Trauernden nennt. Verset 4 dit ceux qui, heureux ceux qui pleurent car Dieu les consolera. Ceux qui pleurent c'est que l'Éternel selon l'Éternel c'est que oui selon l'Éternel pas ceux qui pleurent selon ce monde. You know we mourn all the time when we see our you know the so-called our loved ones not saved. Wir trauern ständig, wenn wir sehen, dass unsere Mitmenschen nicht errettet sind. Nous on pleure chaque jour quand on voit que nos bien-aimés ne sont pas sauvés ou bien ne choisit pas le droit chemin. Then we have the Holy Spirit that is our comfort. Aber wir haben den Heiligen Geist, der unser Tröster ist, der uns tröstet. Mais on a le Saint-Esprit qui est notre qui nous console. You see that. Das lesen wir in Vers 4. Et on le voit dans le verset 4. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Those heaven called the meek. Die der Himmel sanftmütig nennt. Ceux qui sont heureux sont les doux, ceux que le monde ceux que le royaume des cieux appelle les doux. Just like the Bible called Moses the meekest man on earth. Then. Genau wie die Bibel Mose den demütigsten Menschen auf Erden nannte. Tout comme la Bible appelle Moïse l'homme le plus doux de ce monde. You know how you know that Moses was really the meekest man on earth. Weißt du, wie du erkennst, dass Mose wirklich der demütigste Mensch auf Erden war? Tu sais comment le savoir que Moïse était l'homme le plus doux de ce monde? Moses did not reject it. Mose hat das nicht verweigert. Tu vas le voir parce que Jésus que Moïse n'a pas rejeté. When God says you are the meekest man on earth, write it down, and he wrote it down. Als Gott zu ihm gesagt hat, du bist der demütigste Mensch auf Erden, schreib das auf. Er hatte keine falsche Demut und hat sich geweigert, das zu schreiben. Er hat es aufgeschrieben. Quand l'Éternel lui a dit que toi tu es l'être le plus doux de ce monde, lui il n'a pas rejeté. Il a dit que oui, mais l'Éternel, tu sais, non, il n'a même pas discuté. Il a seulement écrit. You know when somebody call you, sir, you are very beautiful. You know you just or something. You are so nice. You know how they walk, what they see, how they feel, the pride. You can see the pride. No. Just tell them ugly. Then you see how they fight you. You are so beautiful. You say no. I'm not. No. But tell them you are ugly. Then you know you see their full color. Amen. Ja, und wir kennen diese falsche Demut auf der Welt allzu gut. Ne? Wenn du Leuten sagst, du siehst voll hübsch aus, sagen die, ach nein, komm, so krass sehe ich doch gar nicht aus. Kennst du, echt? Ne? Und da fängt man an, sich halt so zu einen auf demütig und sanftmütig zu machen, weil man das halt nicht annehmen möchte, das Kompliment. Aber man sagt, Paul, du siehst richtig hässlich aus, ich habe Augenschmerzen. Dann werden Leute anfangen zu schreien, werden Leute anfangen zu diskutieren, sagen, was, wieso sagst du sowas, du bist so herzlos, du sagst sowas, aber ich habe dich eben schön genannt, du wolltest dich annehmen, also hässlich, dann geht es dir auch besser anscheinend. Na, und das zeigt halt einfach diese falsche Demut dieser Welt. Et par exemple, l'être humain, par exemple, quand tu vas dire que tu es belle ou bien tu es beau, la personne va te dire non, ne m'appelle pas comme ça ou bien arrête, tu blagues, des histoires comme ça. Tu vas voir que ça c'est pas être humble. Ça, c'est vraiment quand une personne réagit comme ça, quand la personne, elle est orgueilleuse. Voilà, c'est fière, c'est l'orgueil. Parce que si tu dis à la même personne, ben toi, tu es vraiment vilaine, la personne va dire, ou bien tu es vilain, la personne va dire que, oh, comment tu m'insultes comme ça? Et là, tu vas voir que la vraie face de la personne, en fait. Praise the Lord. Hallelujah. Bless our demic. For they shall inherit the earth. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Never see blessed are they which do hunger and thirst after righteousness. People are hungry. Leute sind hungrig. They're going to be hungry. They're hungry of what? Du wirst hungrig sein nach etwas. Aber die Frage ist, nach was? Verset 6 nous dit que heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ça te fait voir que tout le monde a faim. Mais est-ce que tu as faim? Tu as faim de quoi? De la justice ou bien de l'injustice? You are here today. What are you hungry of? Tu bist heute hier. Wonach hungerst du? Tu es ici parmi nous aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui est ta faim? Praise the Lord. Tu as faim de quoi? Amen. Amen. People have different motive of going to church. Leute haben unterschiedliche Motive, weshalb sie zur Gemeinde kommen. Und diese unterschiedlichen Motive können so bösartig sein. Parce qu'il y a des gens qui ont les gens ont différents motifs pour venir à l'église et c'est vraiment différent et beaucoup des motifs sont aussi vraiment mauvais. Jesus help us to know what we are to be hungry of. Here. Jesus hilft uns zu erkennen, wonach wir hungern sollen. Et Jésus-Christ nous aide à comprendre de quoi on doit être affamé. He said, "Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness. Righteousness is believing him. Gerechtigkeit bedeutet, an ihn zu glauben. I'm hungry to believe him. Hungrig danach, ihm zu glauben, hungrig danach, ihm alles zu geben und mich auf ihn zu verlassen. Jésus Christ 6, à verset 6, Jésus Christ nous fait voir qu'on doit être, on doit avoir faim de sa justice. Qu'est-ce que sa justice? Et quand on est concentré, on a faim, on est, quand on veut lui connaître, avoir une relation avec lui. He said, those are those that he can't feed. Das sind die, die er füttern kann. Et c'est seulement ces personnes-là que lui il est capable à nourrir quand tu as faim de lui, de sa justice. It means if you are hungry of something else, he cannot feed you. Das heißt, wenn du hungrig bist auf etwas anderem, kann er dich nicht füttern. Ça signifie que si tu as faim de quelque chose d'autre, lui ne peut pas te nourrir. Praise the Lord. It means what you are hungry of is very, very important. Das ist das, wonach du hungerst, ist sehr wichtig. Ça signifie que la chose laquelle tu es affamé, c'est vraiment important ici. Verset 7 says, blessed are the merciful. Verset 7. For they shall obtain mercy. Amen. God kind of mercy. Gottes Barmherzigkeit. Now, they will not want this word called mercy. Nicht die Barmherzigkeit dieser Welt. Oder die religiöse Barmherzigkeit. Verset 7 nous dit, heureux sont ceux qui témoignent la bonté. Et ici, il parle de la bonté de l'Éternel, de Jésus-Christ, pas la bonté de ce monde. On sait que le monde, leur bonté, c'est toujours, c'est aussi la définition de ce monde. Verset 8, blessed are the pure in heart. The heart that is full of Christ. Das Herz, was voll von Christus ist, ist rein. Verset 8, heureux ceux dont le cœur est pur. Et quand tu as le cœur pur, c'est quand ton cœur est plein et rempli de Jésus-Christ. Denn sie werden Gott schauen. Car ils verront Dieu. Seulement eux sont capables de voir Dieu parce que toi, ton cœur est pur et plein de Christ, du Christ. Amen. Amen. Whatever you are, you are allowed to occupy your heart, you will see it. Was immer du zulässt, dass das dein Herz umgibt, das wirst du auch sehen. Mm-hmm. Parce que tout ce que tu permets à ton cœur de s'aimer, c'est ce que tu vas aussi récolter. Du wirst das sehen, wovon dein Herz voll ist. Oui, et tu vas récolter la semence de ton cœur. Amen. The pure in heart, the heart that is occupied with Christ. Das reine Herz, das Herz, das von Jesus umgeben ist. Le cœur pur, c'est un cœur qui est rempli de Jésus Christ. The heart that is hungry of the truth. Ein Herz, was hungrig ist nach Wahrheit. C'est le cœur qui est affamé de la vérité. That is not offended when it's corrected. Was keinen Anstoß annimmt an Belehrung. Le cœur qui n'est pas offensé quand on le corrige. That we see Christ in everything. Was Christus in allem sieht. Is Christ correcting me? Le cœur qui voit Christ en tout, qui reconnaît que c'est Christ qui est en train de lui corriger et qui l'accepte parce qu'il reconnaît l'amour de Jésus-Christ dans cette correction. Reines Herz. Un cœur pur. Your value, your motive is Christ. Deine Werte und dein Motiv sind immer Christus und nicht deine eigenen Bedürfnisse, nicht der alte Mensch. Ce que tu vois, ce que tu valorises, c'est seulement Jésus-Christ lui-même et pas l'être humain, l'ancien homme que tu étais avant, ce que tu aimais et ce que tu détestais avant. Nur der neue Mensch, der Christus Jesus. Seulement l'être, le nouveau, la nouvelle personne qui est Jésus-Christ en toi. Praise the Lord. Hallelujah. Learn to prove your motive always. Lerne deine Motive immer zu prüfen. Donc apprends à examiner. Christ do this. Apprends à examiner le motif de ce que tu fais. Donc, chaque chose que tu fais, rappelle-toi, demande-toi, est-ce que l'Éternel aime faire ça? Est-ce que c'est lui qui le fait ça à travers moi ou pas? Praise the Lord. Hallelujah. Verset 9. Blessed are the peacemakers. The peacemakers is not peace between man and man, but peace between God and man. Die Friedfertigen sind die Friedensstiften zwischen Gott und Mensch und nicht zwischen Mensch und Mensch. Heureux ceux qui repentent autour de la paix. La paix, il s'agit de la paix de l'Éternel. C'est pas la paix entre l'être humain, deux êtres humains, mais c'est la paix entre toi-même et le Christ, ou bien la paix entre les hommes de ce monde et le Christ. Christ did not come for this unity between man and man. Christus ist für die Einheit zwischen Menschen gekommen. Sister and a sister, a brother and a brother. Dass Brüder sich wieder verstehen, dass that's a religious word. Ehen sich wieder schließen. Nein, das ist your husband and wife to have peace. Das ist die religiöse Agenda, aber nicht, das ist nicht die Agenda von Christus Christ, Jesus. Il n'est pas venu pour que deux frères, des sœurs puissent être unis, être ensemble ou bien marié une femme. Non, il est venu pour faire régner la paix entre l'être humain et l'Éternel lui-même. kind of peace is Gottes Frieden peace of this world. Ist anders als der Frieden dieser Welt. La paix de l'éternel, c'est différent que la paix de ce monde. Christ is the peacemaker. Christus ist der Friedensstifter. L'éternel est le prince de la paix. He came to unite you and me to himself. Er kam, um dich und mich mit sich selbst zu vereinen. Amen. Il est venu pour pour unir toi et moi avec lui. Amen. Amen. Remember in Matthew 12, he said, her mother-in-law against her daughter-in-law. That is not peace. Matthäus 12 hat er gesagt, eine Schwiegermutter gegen ihre Schwiegertochter. He did not come for that peace. He said, I did not come for peace. What marker peace? I came for actually salt. Er sagt, ich bin nicht für Frieden gekommen. Ich bin als Schwert gekommen, um ein Schwert zu bringen. La Bible nous dit qu'il est là, il est venu avec l'épée. Il est venu pour diviser le fils avec la mère, avec le père, il a dit ça à l'église, à la Bible, il a déjà tout cité ça qu'il est venu pour la division entre les êtres humains, mais on continue à l'appeler le prince de la paix. Donc ça va t'aider à voir et à comprendre que c'est sa propre définition de la paix et pas selon la paix de ce monde. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And we should not be after peace between man and man. Und uns never. Sollte es auch nicht. It's forbidden. Um den Frieden zwischen Menschen gehen. God and man. Wir jagen immer den Frieden zwischen Gott und Menschen her und nicht den Frieden zwischen Menschen und Menschen. Et c'est pour cela on doit toujours être derrière la paix de l'être humain avec Jésus-Christ, avec Dieu lui-même, et jamais être entre la paix de deux personnes ensemble, voilà. Mm-hmm. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We have to reject evil peace. Wir sollten den bösartigen Frieden verweigern. On doit rejeter la paix qui est mauvaise. We have to reject evil unity. Wir müssen bösartige Einheit verweigern. On doit rejeter l'unité mauvaise. And if you know where we are gathered in the name of the flesh, my mother, our father, our mother, you know, gather in the name outside Christ. Wo wir versammelt sind. We should reject it. Im Namen außerhalb des Namens von Christus, im Namen von Fleisch, im Namen von Eltern, Müttern, Vätern, Geschwister, wir müssen das verweigern. Quand on se réunit au nom de la famille, au nom de, oui, le nom de mon père, côté de ma mère, côté de la chair, on doit rejeter ça parce que ça, c'est pas Jésus-Christ. Praise the Lord. Allow Christ to build the unity. Lass zu, dass Christus diese Einheit ist. C'est le Christ lui-même qui doit être notre. C'est le Christ lui-même qui doit être notre unité, notre prince de la paix à travers lui. Praise the Lord. Hallelujah. He said, "For they shall call, they shall be called the children of God." Denn sie werden die Kinder Gottes genannt. Et il a dit que seulement ces gens-là qui sont derrière sa propre paix, ce sont eux qui seront appelés les fils de Dieu. Amen. Amen. How to be called the children of God? Wie wir Kinder Gottes genannt werden. Peace between God and man. That's what you seek. Dass wir Frieden zwischen Gott und Menschen suchen, das zeigt, dass wir Kinder Gottes sind, Söhne Gottes sind. Comment être appelé un fils de Dieu? C'est quand toi tu es en train de chercher la paix entre l'être humain et l'Éternel lui-même. And not evil peace. Und nicht ein bösartiger Frieden. Et pas une paix mauvaise. A sister and a sister try to join them together. Brother and a brother try to join them together. De faire unir une sœur avec l'autre sœur, un frère avec l'autre frère. Praise the Lord. Un homme avec une autre femme. Verset 10, it's a blessed are they which are persecuted for righteousness' sake. For there is the kingdom of heaven. Praise the Lord. Glückselig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Ihre ist das Reich der Himmel. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Fais-les apprendre à lire verset 11. Verset 11. Seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böses Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Blessed are ye, when men shall revile you. And persecute you, and shall say all manner of evil against you, force you. Heureux for my sake. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Praise the Lord. Hallelujah. Because you choose Christ Jesus. Parce que tu choisis Christ Jésus en Chine. Parce que tu t'es décidé de suivre Jésus Christ. Amen. He said, "Rejoice and be exceeding glad." Erzählen Sie. For great is your reward in heaven. For so persecuted they, the prophet which were before you, but not different. Wir sind nicht anders als sie. Il a dit que on doit se réjouir vous alors et soyez heureux car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Let us allow the old man to go. Lass uns zulassen, dass der alte Mensch geht. Parce que nous sommes comme les prophètes et on doit vraiment autoriser l'ancien homme de partir. Which of the old that you are still putting on? Was von dem alten Menschen ziehst du immer noch an? Quel caractère de l'être dans l'ancien être humain tu es toujours en train de porter? Which of the spirit do you still allow to come into your life? Geist lässt du immer noch bei dir wohnen? Still using you. Quel esprit de l'être de l'ancien être humain tu es toujours en train de utiliser aujourd'hui à présent? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ephésiens 4. Ephésiens 4. Amen. Donc on doit vraiment, Ephésiens 4, on doit vraiment se débarrasser de l'ancien personne et tous ses caractères. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 22. Ephésiens 4, verset 22. He said that you put off concerning the former conversation, the old man. The old man, let the old man go. Das ist, was der alte Mensch geht. Mm-hmm. Il dit ici à verset 22, cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre. Ça, il parle de l'ancienne personne. The old man that you still allow to occupy your mind. Der alte Mensch, dem du immer noch Zugang in deine Gedanken lässt, Wohnung lässt. Mm-hmm. Celle de l'homme que vous étiez autrefois, c'est la personne que tu continues toujours à donner l'accès à tes pensées. Get rid of it. Werde ihn los. Débarrasse-toi de cette personne. He said that you put off concerning the former conversation, the old man, which is corrupt, according to the deceitful lust. Mm. 23. And be renewed in the spirit of your mind. Eure Gesinnung, eure Gedanken. Il a dit ici, et qui corrompait en suivant les désirs trompeux. Verset 23, à être renouvelé quand à votre esprit et votre intelligence. Donc, un renouvellement de tes pensées. Remember, Abraham's mind was not full of the past. Erinnert euch, Abrahams Gedanken waren nicht voll von der Vergangenheit. Rappelez-vous que les pensées d'Abraham n'étaient pas pleines, remplies du passé. Amen. Amen. Whatever you allow to occupy your mind, you will go there. Was immer deine Gedanken umgibst, du wirst irgendwann diesen Weg einschlagen. Es ist eine Frage der Zeit. Parce que toute chose que tu es en train d'autoriser à occuper tes pensées, c'est cette voie que tu vas suivre à la fin. Verse 24 said that you put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Verset 24, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour être juste et saint conformément à la vérité. Then verse 25 talk about the fruit of the old man. Und 25 geht es um die Frucht des alten Menschen. Verset 25 nous parle des fruits et de l'ancien homme. It says, we are for putting away lying. There's nothing wrong. Meanwhile, everything is wrong. Zu sagen, dass alles in Ordnung ist, dass alles okay ist, obwohl nichts okay ist in deinem Herzen, deinen Gedanken, deinem Inneren. Et c'est pourquoi débarrassez-vous du mensonge. Les mensonges sont par exemple, tu dis que oui, tout va bien, pourtant tu n'as rien compris et dans ton cœur, tu as un problème. Praise the Lord. Hallelujah. Mm-hmm. Speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. It's talking about you and me. Geht um dich und mich. Let us know each and everyone. I want to trust you, but how can I trust if I don't know you? Wir wollen einander vertrauen. Wie wollen wir einander vertrauen, wenn wir einander nicht kennen? Nous sommes toujours au verset 25. Ne sommes-nous pas des membres l'un et des autres? Ça signifie que nous sommes un. Et si nous sommes un, on doit vraiment apprendre à se faire confiance l'un par l'autre. Mais comment je veux te faire confiance si toi, tu ne te décides pas à choisir Jésus-Christ? No longer the old man, ich bin der alte Mensch, aber der neue Mensch. Mais, on ne doit pas être l'ancien homme, on doit devenir l'être nouveau. Oui. No longer the old you, but the new you. Let the new you keep on moving. Ich bin das alte selbst und das neue. Il ne s'agit plus de l'ancienne personne, maintenant il s'agit de la nouvelle personne. Allow to refuse to allow the old spirit to keep on moving. Lass nicht zu, dass der alte Geist immer noch in dir wandelt und durch dich hindurch wandelt. Ne permet pas à l'ancien homme que tu étais une fois à te diriger ou bien à prendre des décisions à travers toi. Du hast einen neuen Geist und der ist Christus Jesus, der Heilige Geist. Amen. Parce que tu as maintenant un nouveau esprit et cet esprit c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Allow that old to be dead and buried. Lass zu, dass das alte tot und begraben ist. C'est le Saint-Esprit qui doit te diriger et permet à l'ancien homme être, à être mort et enterré. Praise the Lord. Alléluia. Again, Abraham's mind was not full of the past. If it was full of the past, he could have returned again to the past. Abrahams Gedanken waren nicht voll von der Vergangenheit, aber wenn sie voll von der Vergangenheit gewesen wären, hätte er ja diesen Weg zurückgehen können. Er wäre wieder dahin gegangen. Parce qu'au cas de Abraham, par exemple, si ses pensées étaient remplies du passé, il allait pu dire, ben, j'en ai assez, je rentre à mon pays natal. You know this house. I love this house so much. Ich liebe dieses Haus so sehr, weil dieses Haus, weil Christus hier ist in diesem Haus. Vous savez, cette maison, moi, je l'aime beaucoup parce que cette maison, c'est Jésus-Christ lui-même. You know, you can hardly remember the old man. Du kannst dich hier kaum an den alten Menschen erinnern. Parce que dès que tu es ici, c'est vraiment difficile à te rappeler de l'ancien homme, la personne que tu étais avant. Alléluia. Amen. Because here is where, you know, you can see it. Our gathering together all the time. If ever you are at home alone, you know, you are just so occupied with him. Weil hier selbst wenn du alleine bist, bist du umgeben mit dem neuen Menschen, mit Christus. Du wirst immer an ihn erinnert, weil du immer den Spiegel vorgesetzt bekommst von deiner neuen Entität. Et parce que quand tu es ici, tu vas toujours être occupé de l'être de l'ancien homme. C'est tu ne vas pas être occupé de oui du passé. Tu seras occupé de Jésus-Christ parce que tu es toujours entouré de Jésus-Christ et pas du passé. Voilà. You know, if you are here, it's as if you are still in the church, even 24/7. Wenn du hier in deinem Haus bist, ist es so, dass du eigentlich immer noch in der Gemeinde bist. It reminds you of Christ always. Es erinnert dich immer wieder an Christus. Somebody get in it. Parce que même si tu es dans ta propre chambre, tu penses à l'Éternel parce que tout te rappelle de Jésus-Christ. He said, "Forsake not the assembly of believers." Sie sollen die Treffen der Gläubigen nicht versäumen. Il dit qu'on doit pas, rater le rassemblement des enfants de Dieu. He's not just talking about just get together, but speak together. Er redet nicht nur von Let him be Christ together. Speak together to one another. Don't hide things. Stop keeping things. Your heart is not Christ. Weil sonst ist unser Herz nicht Christus. Et quand il dit qu'on ne doit pas rater l'assemblée des enfants de Dieu, il ne parle pas d'être juste là et tu es en train de regarder. Non, tu dois être actif, tu dois parler, tu ne dois pas être passif et seulement écouter. Non, tu dois parler, tu dois dire ce que tu as dans ton cœur. Abraham's mind was full of God. Abraham's Gedanken waren voll von Gott. Les pensées d'Abraham, c'était plein de Dieu. And that's why Satan could not tempt him to go back. Deswegen konnte der Satan ihn nicht versuchen, zurückzugehen. Et c'est pour cela le diable ne peut pas le n'a pas pu le tenter de retourner. Your mind can never be empty. Deine Gedanken können niemals voll sein. Sie müssen von etwas voll sein. Tes pensées ne peuvent jamais être vides. Ça doit toujours être rempli de quelque chose. No mind is ever empty. Keine Gedanken sind leer. Aucun pensée est vide. It is either Christ or Satan. Entweder ist es Christus oder der Satan, der dich umgibt. Aucune pensée est vide, c'est toujours Jésus-Christ ou le diable qui est en train d'occuper tes pensées. What is your mind full of? Wovon sind deine Gedanken voll? De quoi est rempli tes pensées? Some their mind, they are full of their children. Bei einigen sind ihre Gedanken voll von ihren Kindern, von ihrer Arbeit. I want to pass in my school. Sie wollen what your mind is full of? Bestehen, Dinge erlangen, sind das die Gedanken deines Herzens. Et il y a que quelques d'entre nous sont leurs pensées sont remplies de les enfants, leurs enfants, leur travail et tout ça, mais ou bien avoir des bons résultats. Amen. Mais est-ce que c'est juste? Allow Christ to take everything. Lass zu, dass Christus alles nimmt. Tu dois vraiment permettre l'Éternel à avoir tout. Give them all. Gib ihm alles. Donne-lui tout. What is your mind full of? Wovon sind nos Gedanken voll? De quoi est plein et rempli tes pensées? Is it full of time? Time is going. Es ist voll von der Zeit, dass die Zeit läuft. Est-ce que c'est plein de pensées et plein du temps que tu dis que tu te dis oui, le temps n'est pas Is it fall of age? Es ist voll von deinem Alter. Tu te dis que le temps passe vite, je n'ai rien. Ou bien est-ce que c'est plein de ton âge que tu dis que oui, je suis déjà âgé. Amen. The full of age that you are, you compare yourself to others. Look at them. They are 30 years. They are 50 years. Look at what they have achieved. Look at me. Did you have your mind full of occupied with your age? Deine Gedanken umgeben mit deinem Alter, mit der Zeit und dass du dich immer wieder mit anderen Menschen vergleichst, die schon weiter sind als du angeblich. Est-ce que tes pensées sont comparées avec sont remplies de comparaison que tu te dis que oui, tu es en train de voir la vie des autres, oui, écoute, regarde, ils ont déjà des enfants, ils sont mariés, ils ont ceci, cela, ils ont une voiture, mais moi je suis encore ici, je suis pas mariée, patati patata. If your is your mind full of your studies. This time I must pass. Muss ich verstehen. Est-ce que tes pensées sont remplies de tes études que tu te dis, ben cette fois je dois vraiment réussir. Who to marry? Wenn du heiraten sollst. Ou qui tu vas marier? Or full of yourself. Oder voll von dir selbst. Married, but they are full of themselves. Einige sind verheiratet, aber dennoch voll von sich selbst. Ou bien plein de toi-même. Quelques sont mariés, mais sont pleins, remplis d'eux-mêmes. Amen. Amen. You know, your heart full of your children, your and brothers and sisters. Voll von deinen Kindern, voll von deinen Geschwistern. Et il y a quelques d'entre nous, leurs pensées sont remplies d'eux-mêmes, de leur famille, de leurs sœurs. Frères. Amen. If your heart is full of anything outside Christ, it's Satan. Wenn dein Herz voll von irgendwas ist, was nicht Christus ist, ist es voll von Satan. Si ton cœur est rempli de quelque chose qui est en dehors du Christ, ça c'est le diable. Allow your past to be dead and buried. Lass zu, dass deine Vergangenheit tot und begraben ist. Autorise ton passé à être vraiment mort et enterré. Your past behavior. Dein vergangenes Verhalten. Oui, ton ancien comportement. What you are not used to in the past. Woran du nicht gewöhnt bist in der Vergangenheit. Tes anciennes habitudes. You know, we are not some of us, we have learned a lot. We are not used to allow anybody to know anything about us. Wir sind nicht daran gewöhnt, dass Leute no longer that way. Irgendwas von uns wissen. Quelques d'entre nous sont vraiment habitués en des autres des mauvaises habitudes ou bien ils ont d'autres habitudes genre ce qui me concerne, je ne dois pas dire ça à tout le monde parce que c'est ma vie. Mais maintenant, ta vie appartient à Jésus-Christ, il s'agit de Jésus-Christ et tu es obligé de partager. Jetzt läuft alles anders, denn wenn ein Mensch in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Alles ist neu geworden, das Alte ist vergangen. Parce que la Bible nous dit que dès que tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature. Ça signifie que tu as une nouvelle vie et l'ancien n'existe plus. Amen. Amen. Nobody know about it. Amen. No husband, no wife. Kein Ehemann, keine Frau. You go out, you grow, do things just like. No, this time is not. With Christ, it should never be that way. Aber Christus sollte das nie mehr so sein. Tu te disais par exemple, ben moi, mon ancien vie, c'était comme ça que je faisais les histoires comme je veux, je pars où je veux, quand je veux, avec qui je veux, mais maintenant, c'est plus ta vie. La vie, c'est de Jésus-Christ, tu as signé pour ça, et maintenant, ça change, c'est différent. Amen. Allow your past to be dead and buried. Lass zu, dass deine Vergangenheit tot und begraben ist. Autorise à que. Permet à ton passé à être mort et enterré. Your past behavior. Dein vergangenes Verhalten. Ton ancien comportement. Your past attitude. Deine vergangenen Eigenschaften. Tes anciennes attitudes. The past spirit. Your past spirit. Dein vergangener Geist. Tes anciens esprits. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. What you have been used to. Woran du gewöhnt bist. Tes anciennes habitudes. Oder warst. Praise the Lord. What you have been used to are those things that you have never been used to. Die Dinge, woran du gewöhnt warst und die Dinge, an die du nicht gewöhnt bist. Des anciennes habitudes ou bien ce que tu n'aimais pas ou ce que tu aimes. Christ has his own everything. Christus hat sein eigenes. You are going to learn it. Und du musst diese eigenen Sachen von ihm lernen, um damit eins sein zu können. Le Christ a ses propres biens et c'est de ses propres biens que tu dois apprendre et vivre. Amen. Amen. Please be warned. Bitte lasst euch warnen. Donc soyez vraiment avertis. This is a living church. Das ist eine lebendige Gemeinde hier. Soyez alertés parce que c'est une église vivante ici. Und dieser Ort ist sehr gefährlich. Et une église vivante est vraiment dangereux. Amen. Amen. If you read Acts 4 and 5 concerning Ananias and Sapphira, you know how dangerous here is. Wenn wir in Apostelgeschichte lesen über Ananias und Sapphira, erkennen wir, wie gefährlich eine lebendige Gemeinde ist und wie gefährlich dieser Ort ist, weil er eine lebendige Gemeinde ist. Si tu vois aux Actes des Apôtres 4 et 5, si tu le lis, tu vas voir comment c'est dangereux, c'était dangereux d'être dans une église vivante. Et ça va t'aider à comprendre que cette église, elle est pareille. Hate or offend one another. Hasse ist einander ein Anstoß zu sein. Déteste de provoquer ou bien offenser l'un et l'autre dans le corps de Jésus-Christ. We go to Matthew 18. Jesus said it. Amen. We are not going there now. Amen. Si tu le lis en Matthieu 18, tu vas le voir. Amen. We look at Ananias and Sapphira. I'm very sure they were warned. Before. Because I'm very sure they were warned, but they refused to repent. Ganz sicherlich, because the Lord never just do things like that. Weil der Herr, I'm very sure they were warned. Schlägt nicht einfach so zu, ohne zu warnen, ohne Zeit zur Buße zu geben. Et par exemple, Ananias et Saphir, tu vas voir que ils étaient, je suis sûr qu'ils étaient, on les avait avertis, on les avait alertés. Mm. Ils ont eu le temps à se repentir. They refused to allow their old life. The old nature to be dead. Aber sie haben nicht zugelassen, dass das alte Leben, die alte Natur tot und begraben ist. Mais ils ont pas permis à leur ancien homme à être mort et enterré. What they have been used to? They have been used to lying. You know those things they have been used to. Zu lügen. Leurs anciennes attitudes, ils étaient vraiment habitués à mentir ou bien à trahir. Zu betrügen. Amen. Zu täuschen. They have been used to it. They allow it to. They don't refuse to allow it to go. Und lassen, wollen diesen Geist nicht loslassen. Ils étaient vraiment habitués à mentir et à trahir, mais quand ils étaient venus vers l'Éternel, ils n'ont pas autorisé à cet esprit, à ces mensonges, à ces trahisons de partir. Grace does not take us into sin. Gnade führt uns nicht in die Sünde. La grâce ne nous emmène pas à pécher. It helps us to hate sin. Es hilft uns, Sünde zu hassen. Amen. La grâce nous aide à détester le péché. Amen. Amen. Grace is God's kind of love. Gnade ist Gottes Liebe. La grâce, c'est l'amour de l'Éternel. Once you are under grace, you hate sin. Wenn wir in der Gnade sind, werden wir die Sünde hassen. We will not even remember them. Wir werden uns nicht mehr daran erinnern. Geschweige denn. What did not come into your mind, you can never be there. Das umzusetzen, weil das was... Worüber du dir nicht mehr Gedanken machst, wirst du auch nicht umsetzen können. Parce que dès que tu es dans la grâce, tu es en train de détester le péché. Tu ne penses même pas aux choses mauvaises et c'est pour cela que tu ne peux jamais aller là-bas et agir selon le mal. Parce que toi, tu es dans la grâce et que tu aimes que c'est que l'Éternel aime. Amen. Et c'est pour cela que tu fais seulement ce que lui aime. You know what happened to Ananias and Sapphira. Wir wissen, was Ananias und Sapphira zugestoßen ist. On sait ce qui s'est passé à Ananias et Sapphira. You better stop bringing the problem into the house of Christ. Wir müssen aufhören, Probleme in das Haus Gottes zu bringen. Wir müssen aufhören. Probleme für Probleme zu sorgen im Haus Gottes. On doit arrêter à causer des problèmes dans l'église ou bien dans nous des problèmes à l'un et l'autre. Alléluia. Proverbe 6. Amen. Amen. Es geht um sechs Dinge, die der Herr hasst. Ici, il parle de six choses que l'Éternel déteste. 16 bis 19. 16 à 19. It says, these six things that the Lord hates, and seven are an abomination unto him. And number seven is an abomination unto him. He hates these six things, but number seven is an abomination unto him. Mm. You see it? Er hasst diese sechs Dinge, aber dieses siebte ist ein, Greuel gegen für ihn. Amen. Danke. Verset 16, il nous dit qu'il y a six choses que l'Éternel déteste et même sept, donc le septième qui lui est en horreur. If you look at it, the number seven, the last one he said, he that soweth discord among brethren. You see there? That bring problem into his own house. Der Zwietracht sieht zwischen Brüdern, der Probleme bringt in sein Haus. Verse 19. Okay. Verset 19, il nous dit que le faux témoin qui dit des mensonges et l'homme qui sème des discordes entre des frères. C'est ça, c'est qu'il déteste. C'est un horreur pour l'Éternel. Praise the Lord. Hallelujah. Somebody get something here. Amen. Amen. He that soweth discord among brethren, bring a problem into the house of Christ. Problem in Christ, you know, it's not about you. This side of it will be about Christ. Menschen geht um dich. It's not about the problem you cause in one way or the other. Es geht um das Problem, was du verursacht hast. Wir müssen uns wirklich in Acht nehmen, dass wir keine Gefäße des Satans sind. On doit vraiment être averti à ne pas être un vaisseau pour le diable quand tu es en train de d'emmener un problème au milieu des enfants de Dieu en fait. And he called this an abomination. Nennt es ein Gräuel. Il lui dit que c'est un horreur pour l'Éternel. He said, did not just hate it, but it's an abomination. Er hasst es nicht nur, er nennt es ein Gräuel. Il a dit que il n'a pas dit que il déteste ça. Il a dit la septième chose, c'est un horreur pour lui. Praise the Lord. Hallelujah. And if you go to Matthew 18, maybe we will go there. But before that, let's read from verse 16. 16. He said, these 16 that the Lord hates, yea, seven are an abomination to him. A proud look, a lying tongue. Praise the Lord. Hallelujah. A lying tongue, a tongue, you know, how are you? How is everything good? Eine lügerische Zunge. Ne? Wenn man fragt, wie geht's dir? Und du sagst, du lügst noch, es geht dir gut, obwohl es dir gar nicht gut geht. Und du eigentlich Gebet und Gespräch brauchst in Christus. Verset 17 dit que les yeux qui regardent des autres de haut, la langue qui répand des mensonges. Donc la langue, quand tu demandes par exemple, comment vas-tu? Tu dis que bah, oh, je vais bien. Mais dans ton cœur, tu es en train de pleurer et que tu ne vas pas bien. Ça, c'est un mensonge devant l'Éternel. Tu mens à l'Éternel. Praise the Lord. Your heart is full of grudges against one another. Like somebody's asking you. The pain you are going through, somebody's asking, how are you? Share it with your brothers and sisters. They want to be there with you. Dein Herz ist voll von Verwirrung, voll von Greue, voll von Wut. Aber du teilst es nicht, obwohl man dir die Hand reicht, obwohl man dir Hilfestellung bietet, dich anspricht. Dans le cœur où que quand on te demande comment tu vas, tu dis que tu n'as pas, tu vas bien malgré tu es dans ton cœur, tu es en train de pleurer, tu as vraiment un problème, tu as des soucis mais tu veux pas le partager malgré on te demande. Ça ce sont des mensonges aussi devant l'Éternel. Praise the Lord. Alléluia. A lying tongue. You know this lying tongue is a bright message. Amen. Diese lügnerische Zunge, das ist ein größeres Thema, aber wir werden darauf ein anderes Mal eingehen. La langue qui répond des mensonges, ça c'est un thème vraiment vaste, mais vu qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps, on va pas partir en détail, mais amen. Savez que on devrait être alerté ici. Amen. Amen. You know, Joseph was a prosperous man. If he was not called a prosperous man, it would be a lying tongue. When he was being sold. Zum Beispiel, Joseph war ein wohlhabender Mensch und die Bibel hat ihn so genannt, obwohl er gerade als Sklave verkauft wurde. Aber hätte die Bibel ihn nicht so genannt und ihn anders genannt, wäre es eine Lüge gewesen. Mm-hmm. Es war Wahrheit, das zu sprechen, was ein Geist war. Mm-hmm. Par exemple, si on voit physiquement, Joseph a été vendu et il était un esclave physiquement, mais l'esprit, la Bible, la Bible lui a dit qu'il était un homme vraiment plein de succès. Mais la Bible n'a pas vu la chair parce que la Bible parle de l'esprit. Et si la Bible avait, si dans la Bible ils avaient vu ou bien considéré la chair, la Bible allait être un mensonge, oui. If you remember number 12, number 13. La Bible aurait menti. Number 13. 4. Mose 13. Amen. Hein? Sie kam mit einem bösartigen Bericht. Das war eine lügnerische Zunge. Nombre 18, par exemple, il nous dit aussi que il y avait des personnes qui sont parties avec un rapport vraiment mauvais vers une personne. Et ça, c'est aussi une langue de plein de mensonges. Amen. There's a difference between you are believing Christ and you are lying. Es gibt einen Unterschied zwischen ich glaube an Christus oder ich bin am Lügen. Il y a une différence entre je crois en Jésus-Christ ou je suis en train de mentir. Amen. Mm-hmm. Mm-hmm. Praise the Lord. Verset 18. And her that deceived, devised wicked imaginations. Wicked imagination. Your mind is full of wicked. Your mind is wicked. A wicked man. Wicked imagination. See that be swift in running to mischief. Praise the Lord. Amen. You know, I don't know if I'm able to go inside here. You know, Mish, he says, you know, first, you know. You should be after God's children more than you are after your natural family. Du solltest mehr um die Geschwister in Christus geben als um deine Familie in dieser Welt. Tu dois plus être derrière les enfants de Dieu que être derrière ta famille naturelle. Amen. You know, a lot of us we want, you know, well, instead of if something is coming, we will want it to affect somebody that is not related to us. There's somebody that is related to us. Ist es uns lieber, dass es etwas Schlimmes einer Person passiert, mit der wir nichts zu tun haben, mit der wir nicht verwandt sind, als einer Person, mit der wir verwandt sind und mit der wir was zu tun haben? Si quelque chose passe à quelqu'un, tu vas préférer que ça puisse se passer à quelqu'un que tu n'as pas, qui n'est pas de ta famille, qui n'est pas proche de toi, que quelqu'un qui est de ta famille en fait. You know, something affects people outside. We don't even care. Amen. Because it is not your brother, it's not your mother, it's not your, you know, the natural blood. It's not the natural blood. So also, we will bring it into the kingdom of heaven. That, you know, if something is going to affect people, it is, you will prefer to affect God's children in the church than even your natural family. I don't know if you are getting it. In der Welt sagst du, dass man immer lieber will, dass Leuten, dass fremden Leuten was zustößt, als dass es einem zustößt, die Leuten zustößt, die man kennt. Und hier kann man das auch darauf übertragen, dass man oft will, dass dann lieber Geschwistern Christus Dingen zustoßen, die nicht so schön sind, als dass es der weltlichen Familie, die man zu Hause hat, zustößt. Dans le monde, tu vas même préférer vraiment que quelqu'un d'autre en dehors de ta famille puisse avoir un problème que quelqu'un dans ta famille. C'est tout comme dans l'église. Quelquefois, tu vas dire que ben, je préfère que ma sœur charnelle ne puisse pas avoir un problème que... et quand, par exemple, ta sœur en Christ a un problème, ça ne t'intéresse pas vraiment beaucoup, ça te fait pas mal comme si c'était ta sœur charnelle, en fait, avec le même sang. Praise the Lord. Hallelujah. I believe you. Amen. Yeah. You know, all these are the life of the old man. Ah, das ist das Leben des alten Menschen. Et tout ça, c'est la vie de l'ancien être humain. Praise the Lord. Hallelujah. Stop causing problems. Hört auf, Probleme zu verursachen, besonders zwischen Kindern Gottes in der Gemeinde. Arrêtez de causer des problèmes, surtout à l'église, hein, entre les enfants de Dieu. Amen. Amen. Be active in Christ's house. Sei aktiv im Haus von Christus. Soyez active dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. It's not people pushing you to speak before you speak. Nicht, dass Leute dir erstmal Dinge aus der Nase ziehen müssen, bevor du redest. Il faut pas permettre d'abord que les gens puissent t'obliger à parler avant que tu puisses parler. You're speaking here, you're speaking to Christ. Wenn ein Sprechen hier ist, zu Christus zu sprechen. Quand tu parles ici, tu parles à l'Éternel Jésus. And you have to love speaking to Christ. Und du sollst es lieben, zu Christus zu sprechen. Et tu dois aimer, tu dois l'adorer, de parler à Jésus Christ. Somebody getting it. Praise the Lord. Hallelujah. And because we never see Christ, we see man. Aber wenn ich and Christus sehe, joy in being quiet. Sehen wir den Menschen und es ist okay für uns, dann ruhig zu sein. Mais parce que tu ne vois pas toujours l'Éternel, tu vois l'être humain, et c'est pour cela que tu es en train de t'habituer, tu es vraiment à l'aise quand tu ne parles pas aux enfants de Dieu, quand tu es silent. Praise the Lord. Hallelujah. Humble yourself, please. Demütigt euch bitte. Amen. We are already in James 4, verse 7. It says, humble yourself before the Lord. Demütigt euch vor dem Herrn. Wir waren eben schon in Jakobus. Et la Bible nous dit on doit vraiment apprendre à se humilier l'un vers l'autre. Stop proving stubborn for Christ. Hört auf, stur zu sein, wenn es um Christus geht. On doit arrêter à être têtu quand il s'agit de Jésus-Christ. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Humble yourself. Demütige euch vor Christus. Humilie-toi vraiment devant l'Éternel. Amen. Amen. I've said it before that the problem with here is that it's a living church. Ich hab schon mal gesagt, das Problem dieser Gemeinde ist, dass es eine lebendige Gemeinde ist. Moi, je l'ai déjà dit. Que le problème de cette église, c'est que cette église est une église vivante. If it's a religious church, we don't even care. Wenn es eine religiöse Gemeinde, wäre es egal. Parce que si c'était une église religieuse, ça n'allait pas être un problème. Amen. Amen. A living church, the king take care of the royal family. Aber in einer lebendigen Gemeinde sorgt der König für die Familie. Parce que dans une église vivante, c'est le roi qui prend soin de la famille. Christ wants to know everything about Christus will alles über dich wissen. Le Christ, il veut savoir tout ce qui te concerne. Lass zu, dass er es erfährt. Et tu dois le permettre à tout savoir. Amen. Amen. Let's repent from the old. Bitte tu Buße von dem Alten. Donc réponds-toi de l'ancien. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We don't permit any celebration that is not of Christ. Wir lassen keine Feierlichkeit zu, die nicht von Christus ist. Nous on permet pas des fêtes qui sont en dehors du Christ. Mm. If you are still a baby, we will give you time to grow. Wenn du eben noch not when you are matured. Wenn wir dir natürlich. And we know when you are matured. Mm. Wenn du noch ein Baby bist, werden wir dir natürlich Zeit geben zu wachsen, aber nicht wenn du reif bist und wir erkennen, dass du reif geworden bist. Si tu es encore un bébé en Christ, on va te donner le temps de te repentir, mais si tu es déjà un adulte en Christ ou bien tu n'es plus un bébé, ça on va pas le tolérer et on sait quand tu es adulte. Praise the Lord. Hallelujah. So once we close today, we have quickly a meeting. Amen. And we talk about some few things. Amen. Before we close, I will quickly go through few things here, then we close. Amen. Wir haben nach der Gemeinde ein kleines Meeting und ja, wir werden heute jetzt auch über ein paar Kleinigkeiten sprechen und dann machen wir Schluss. Praise the Lord. Hallelujah. Après le message, on aura un meeting et on va parler de quelque chose. Christ want me to talk. Let me say to preach about fasting. Christus will, dass ich über das Fasten spreche. I don't know why it's coming. L'Éternel veut que je puisse prêcher concernant les jeunes. Les jeunes de plus, les jeunes.